halte là, les voici, les voilà. Réfugié dans un gros manteau, tout en chinchilla, la face camouflée sous un tas de maquillage, la peau ravagée par un siècle de bronzage. Elles font leur entrée coiffées comme des porc-épics. Le parfum empeste la pièce à chacune de leurs mimiques. Vite tous les enfants sur le lit caché sont catastrophés, prêts à tout pour éviter le fléau des becs mouillés. Noël, c'est le temps des matins. C'est pas que ça m'enchante, encore moins que ça me tente. Que ces fameux inconvénients. Allô, toi, hein? T'es encore engraissé. Oh, le monde est plein de terre triste. C'est pas drôle. Hey, du succès dans tes études, mon hein? Elles ne vous lâcheront pas avec toutes les épopées de leur dernier voyage folle, folle organisé. Elles passent leur vie en croisière avec des crétins. À la fin de leur vie, elles s'endormiront au son de Joe Dassin. Noël, c'est le temps des matins. C'est pas que ça me chante.